Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. La jungle des luttes, 106.3 FPP, la jungle des luttes, comme tous les troisièmes mercredis du mois, c'est le comité de solidarité des peuples, avec les peuples du Chiapas en lutte qui vous propose ce programme, donc tous les troisièmes lundis du mois en direct, et le jeudi matin, le quatrième jeudi matin de 8h à 9h30, on vous invite également à consulter notre blog, la jungle des luttes, pour retrouver nos émissions qu'on a depuis le début, ça fait bientôt 10 ans, n'empêche. Donc voilà, il y a du matériel à récupérer si vous voulez réécouter. On vous invite également à venir nous rejoindre, le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, au 33 rue des Vignoles, le 1er et 3e mercredi du mois, à partir de 20h30. Donc c'est une assemblée ouverte, on parle des apatistes, de ces indigènes, ceux qui se sont soulevés contre le système capitaliste et l'oubli des peuples autochtones en 1994 au Mexique. Donc les apatistes, on en parle régulièrement ici dans notre programme, mais pas seulement, puisque l'idée c'est quand même de créer des ponts entre les luttes et de pouvoir avancer ensemble et de résister ensemble, de se solidariser et de finir par un moment ou un autre en finir avec ce système qui opprime les peuples, exproprie, criminalise, machine de guerre. Donc voilà, on espère qu'on pourra avancer. En tous les cas, il ne faut pas laisser sans voix toutes ces luttes. Donc c'est un espace qu'on propose à différentes associations, groupes ou collectifs qu'on rencontre au cours de notre parcours. Et donc on a souvent invité, régulièrement le CSIA, le Comité de solidarité avec les Indiens des Amériques. Donc aujourd'hui, il y aura Céline avec nous qui nous parlera de la lutte contre un oléoduc dans l'État du Dakota. Et donc c'est une lutte menée par les Sioux Lakota dans la réserve Standing Rock. Et donc elle vous racontera ce qu'il en est de cette histoire d'expropriation, ce qu'est cette lutte et quelle solidarité on peut apporter. Et puis ne pas oublier les personnes faites prisonnières dans toutes ces luttes. On aura en deuxième partie toujours une histoire d'oppression des peuples avec le collectif, le Comité international pour la libération de Fekar et des détenus Mzab. Et donc, on aura l'occasion d'en parler dans la deuxième partie en Algérie, des peuples autochtones qui, évidemment, sont la cible d'une répression permanente. Donc, on va faire une micro-pause musicale avant de commencer avec Céline du CSIA et les Sioux Lakota. Musique. ¿A dónde van los trenes pasajeros? ¿A dónde van palomas del oriente? ¿A dónde irán los cantos más dolientes? Van a llorarle a un hombre guerrillero, el más bragado, más cabal y más valiente. En todas partes la gente levantaba, allá en Chihuahua, Parral y La Boquilla. No más de verlo el gobierno se espantaba y se nombraba el general Francisco Villa. Allá en Chihuahua, Parral y La Boquilla. Ahora los potentados pongan su nombre con letras amarillas. Su corazón el pueblo le ha entregado desde que andaba combatiendo en la guerrilla allá en Chihuahua. tu agua parral y las boquillas. Al ver el campo tan triste y solitario, donde se muere sin agua la semilla, los campesinos le rezan novenarios cuando les faltan el frijol y la tortilla. Qué falta que hace que reviva Pancho Villa, qué falta que hace que reviva Pancho Villa. 106.3 FPP, la jungle des luttes, Céline du CSIA, merci d'être avec nous. Et donc tu vas peut-être nous présenter le CSIA dans un premier temps, d'autant que c'est très lié apparemment justement au Sioux Lakota, dont on va parler après sur la lutte contre l'oléoduc. Bonsoir, puis merci effectivement, c'est spécial de nous donner l'occasion de présenter donc cette lutte. Oui, donc le CSIA, donc le Comité de solidarité avec les Indiens des Amériques, Nitassinan, a été créé en fait en 1978 à la demande en fait de représentants autochtones. Le but de cette association, c'est en fait de mieux faire connaître les peuples autochtones des Amériques, de les soutenir dans leur lutte, donc en fait d'être un relais entre ces peuples et la France. Donc, pour parler plus précisément de cette lutte qui a lieu encore actuellement donc dans le Dakota du Nord, c'est une lutte qui a été qui s'est organisée en avril 2016 au moment en fait où les travaux de construction de l'oléoduc Dakota Access Pipeline, on l'a appelé DAPL en fait, ont commencé. Ça remonte en fait cette construction à 2014 quand un groupe qui s'appelle Energy Transfer Partners a décidé en fait de relier un grand bassin où sont extraits le gaz de schiste du Dakota du Nord, Bakken, donc a décidé de relier ce bassin à un réseau d'oléoducs déjà existant dans l'Illinois et de construire donc un nouveau pipeline de à peu près 1800 km. Alors, on peut parler déjà de racisme environnemental, en fait, parce que à la base, il y avait un premier tracé qui passait par la ville de Bismarck, qui est donc la capitale, enfin, aux abords de la ville de Bismarck, qui est la capitale du Dakota du Nord. Et il a été décidé, en fait, que c'était pas viable de le faire passer par là. Donc, hop, nouveau tracé. Et cette fois-ci, on le fait passer donc juste au nord-est de la réserve de Standing Rock. Et de traverser en plus, donc de passer sous la rivière du Missouri, qui est donc la source d'eau potable de la réserve, et pas seulement de la réserve, mais de toutes les populations qui habitent dans cette zone. Donc en fait, en janvier 2016, l'entreprise a eu l'autorisation par l'État fédéral de commencer la construction. La construction se met en place donc en avril 2016. Et dès ce moment-là, en fait, il y a une réaction immédiate, à la fois du gouvernement tribal qui attaque l'État fédéral en justice, et de la société civile, donc sur la base de la non-consultation de la tribu, des risques de contamination si jamais il y a une fuite du pipeline, et aussi du non-respect de la non-reconnaissance en fait de la valeur spirituelle de ces terres, puisqu'en fait il y a des restes humains sur ces terres. Donc en fait après la lutte s'est intensifiée pendant l'été 2016. Il y a eu une sorte de médiatisation de la lutte grâce aux jeunes de la réserve de Standing Rock qui organisent en fait une course depuis la réserve jusqu'à Washington. Ça a attiré en fait l'attention des médias. Enfin, ils l'organisent tous les ans, tu veux dire, ou précisément pour le tour. Ouais, il y a vraiment c'est vraiment en fait les jeunes de la réserve qui se sont organisés, qui ont décidé d'aller porter une pétition qui avait reçu des milliers de signatures à Washington en fait. Donc là, médiatisation. Et donc le camp qui avait commencé à s'établir, il y a un campement qui s'est établi au nord-est de la réserve dès avril 2016. Et le camp a commencé à être assez médiatisé. Il y a une convergence, en fait. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui, petit à petit, sont arrivées entre août, septembre, octobre 2016. Donc qui se sont présentés donc, comme des protecteurs de l'eau. Ce que je voulais juste rapidement... montrer en fait là, c'est comment cette lutte elle s'inscrit à la fois dans une histoire d'expropriation territoriale, donc comme tu disais en introduction, et puis aussi une histoire de résistance. Parce qu'en fait, beaucoup de gens disent aujourd'hui que l'oléoduc passe en dehors de la réserve, c'est-à-dire au nord-est de la réserve. En fait, ça passe sur ce qu'on appelait à l'époque la Grande Réserve Sioux. C'est-à-dire que la réserve de Standing Rock aujourd'hui, ce n'est qu'un tout petit territoire de ce qu'était la Grande Réserve Sioux à l'origine, en 1851-1868. Il y a eu deux traités de Fort Laramie qui établissent ce grand territoire Lakota et qui petit à petit est réduit. Grignoté parce qu'on trouve de l'or, parce qu'il y a les chemins de fer qui doivent traverser la réserve, etc. etc. Donc toute cette histoire depuis la deuxième moitié du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, réduction des réserves, ensuite on fait éclater la réserve, on met 6 petites réserves. Dans les années 1950, la réserve de Standing Rock est encore réduite de plus de 200 km, pile en plus dans la zone qui est concernée par l'oléoduc, avec les gros barrages hydroélectriques. Donc on ampute la réserve de plus de 200 km de terres fertiles, expropriation, déplacement des populations, etc. etc. Donc y a vraiment ça s'inscrit vraiment dans une histoire d'expropriation territoriale, de reconnaissance. Et lutte des peuples autochtones aussi, puisque la Grande Réserve Sioux, c'est là où en 1890, il y a eu le massacre de Wounded Knee, où donc plus de 300 Lakota ont été assassinés par l'armée américaine parce qu'ils dansaient la danse des esprits. C'est la Standing Rock, c'est la réserve de Sitting Bull qui est enterrée juste en amont, le long de la rivière du Missouri, donc pas très loin du campement. C'est aussi à cet endroit précis qu'en 1974, à l'appel du mouvement des Indiens d'Amérique, est créé le Congrès international des traités indiens en 1974, donc, qui va emmener une délégation en 1977 de représentants autochtones à Genève. Et c'est à l'appel de cette délégation en fait, que le CSIA est créé en 1978. Donc il y a un lien direct en fait, entre cette lutte et l'histoire même du CSIA. Donc voilà, on arrive finalement à ces campements voilà, qui n'ont cessé de s'élargir en fait, depuis août. Avec deux fronts, on peut dire, c'est-à-dire d'un côté l'occupation du territoire, et notamment l'occupation du territoire des traités, c'est-à-dire qu'on sort de la réserve de Standing Rock sur les territoires non cédés, donc il y a une revendication territoriale, de souveraineté territoriale très forte dans ce mouvement. Des prières, des cérémonies qui sont organisées, la vie quotidienne aussi, il y a des écoles de survie par exemple qui rappellent énormément les écoles de survie organisées dans les années 1970. Et puis de l'autre côté, il y a les individus, ces protecteurs de l'eau qui se mettent en première ligne pour stopper l'avancée de la construction. Et c'est cela. Donc en fait, frappés. Toutes les personnes qui ont joint ce camp, c'est donc pas des gens, c'est pas des Sioux, c'est pas forcément. Donc c'est pas forcément des gens du Dakota. Ça a pu rallier des gens un peu de tout le. Énormément, beaucoup d'autochtones, beaucoup de non-autochtones aussi, beaucoup d'autochtones sur le plan international aussi. Il y a eu soutien de Nouvelle-Zélande, soutien d'Hawaï, soutien de plein d'Amérique latine aussi, enfin d'Amérique latine, de plusieurs délégations qui sont arrivées, notamment du Mexique. Beaucoup de non-autochtones aussi, effectivement, puisqu'il y a convergence avec toutes les luttes de justice climatique. Et puis, en fait, petit à petit, la répression donc, a été vraiment de plus en plus violente. D'abord par les agents de sécurité privés, gaz lacrymogène, ils ont lâché les chiens aussi. Puis des forces de l'ordre, balles en caoutchouc, canons à eau, grenades assourdissantes. Donc il y a eu plusieurs blessés très, très graves. Et une forte criminalisation de la lutte, où en fait on présente les protecteurs de l'eau comme des gens qui des agités, qui troublent l'ordre public. On dénonce soi-disant leur présence illégale sur des propriétés privées. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, il y a eu à peu près 700 arrestations. Depuis, tu veux dire, le mois d'avril dernier ? Depuis avril dernier, il y a eu en gros 700 arrestations, avec le gros des arrestations qui a commencé en octobre, en fait, en octobre là, 2016, avec des conditions de garde à vue déplorables. Il y a un expert des Nations Unies, Amnesty aussi, qui ont dénoncé des violations des droits humains. Par exemple, on les a mis dans des cages à chiens pendant leur garde à vue, parce qu'il n'y avait pas assez de place. Aussi, utilisation de la force injustifiée, qui a aussi été dénoncée par l'ONU et par Amnesty. Ce qu'on peut dire en fait, grosso modo. sur les 700 personnes arrêtées, il y a eu des libérations, j'imagine. Il y a la plupart. Il y a une mobilisation. grâce à la mobilisation ou comment il y a une pression qui a été faite, on n'a pas beaucoup diffusé, on n'a pas beaucoup entendu, nous non plus, mais du coup, j'imagine que... Alors, il y a eu effectivement les relais d'acteurs, par exemple, donc de grosses figures médiatiques américaines qui a aidé. Il y a aussi, de manière très étonnante, en fait, un groupe de vétérans de l'armée américaine qui est allé sur place. Alors ça fait un gros, ça fait un gros buzz en fait, aux États-Unis de voir débarquer comme ça des vétérans de l'armée américaine en soutien au Sioux de Lakota. Oui, en fait, sur les 700 personnes, la plupart ont été libérées. Il y a une personne quand même qui est incarcérée en fait depuis octobre. C'est une jeune militante Oglala qui s'appelle Red Fawn, et elle a été accusée d'avoir tiré avec une arme. Elle a été arrêtée en fait le jour où il y a eu un gros raid en fait qui a été fait. Il y a eu près de 150 arrestations. Ça, c'était en octobre. Sa caution a été mise à 110 000 dollars, en gros, et elle est donc incarcérée depuis, et elle risque 20 ans de prison, en fait, aujourd'hui. Les autres ont été libérés, mais beaucoup sont en instance de jugement, enfin, vont être jugés incessamment sous peu, en fait. Donc, ils ont été libérés avec caution, du coup, voilà. et on n'arrive pas à expliquer pourquoi ils sont acharnés sur elle avait peut-être un mandat peut-être un peu plus... Enfin, parce que ça fonctionne comment? Est-ce que ça fonctionne un peu comme ce qu'on peut connaître au Mexique, à savoir des organisations indigènes avec des mandats, non pas de chefs, mais des représentants, de porte-parole, et donc de personnes qui sont un peu mises en avant à un moment sur un certain nombre de plans ou d'organisations. Au niveau de l'organisation, il y a... Parce que c'est comme ils sont dans une réserve, on peut imaginer aussi que l'organisation peut être un peu différente que dans les communautés des peuples autochtones ou des autres pays. On est curieux de l'organisation. Là, du coup, c'était quelqu'un... C'était une personne des communautés touchées directement par la loi éduque, par exemple. C'est une personne qui est en fait connue comme étant une militante et qui est issue elle-même d'une famille de militantes qui est fichée comme étant une famille de militantes appartenant au mouvement des Indiens d'Amérique. Donc le même mouvement auquel appartient Léonard Peltier, qui est toujours en prison aujourd'hui. Donc il y a vraiment, c'est une histoire aussi, je pense, d'exemplarité, c'est-à-dire qu'il faut bien quelqu'un qui paye un petit peu pour tous les autres. Alors après, c'est pas du tout quelqu'un qui se présente comme un leader du mouvement. Elle était juste médecin en fait sur le campement. Sur le campement. Voilà. Ouais. Donc elle avait même pas un rôle de porte-parole. Non, pas du tout. Elle était juste affiliée. Donc ils sont allés accuser avec des fausses preuves ou. Oui, même le shérif en fait a dit qu'on pouvait pas savoir qui avait tiré un coup de feu en l'air et s'il y avait vraiment un coup de feu qui avait été tiré, étant donné que les forces de l'ordre elles-mêmes ont tiré énormément de balles en caoutchouc, par exemple. Donc il y a les témoignages sont en sa faveur, des vidéos sont aussi en la faveur de Red Foam, ça n'empêche rien en fait, elle est toujours emprisonnée. Donc, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques instants. Et donc, c'est toi, Céline, qui nous a ramené un petit morceau. Du coup, C'est un morceau de Nathani Means, qui est en fait lui aussi militant et qui a été lui-même arrêté en fait au cours de la lutte, libéré mais arrêté. On est bon sur en technique. The Radical. Yeah. Melodic, what up? Check it. Yo. Step inside the militant minded. Confined him inside a signed confinement. Picture the best Pac and Nas combined with Russell and Dennis at an AIM protest. Check it. I grew up tough. Underneath barbed wire cuts, and my scars ain't enough to tell my story. All these other rappers are mediocre, starting to bore me. Melodic said, untie your brain to fully feel freedom. My grandma named me Nathani Nez for a reason, so I could lead them, free your minds from extinction, and believe in freedom. Throw that government money back, cause we don't need them. Sovereignty's a myth in a nation full of ignorance. I've seen checks get spent on casino chips, and I wear my hair proud. This is true pride music, war whooping loud, equivalent to the American Indian movement. Yeah. Yeah. alright. I'm not a rapper, I'm an activist who rhymes. This is how you're learning, you better read between the lines. Kill the Indian, save the man. Yes, all my friends descended from dead men who defended them. I got two braids and a beaded necklace, living young and living reckless. Got a bullet for the next hipster in a headdress. Step aside, I got that C4 flow. I'm ready to blow at any minute, motherfucker, let me go. I flow off the mental with the cynical syndrome. The epitaph, I'm wreaking wrath at the pinnacle. Fuck methodical, I keep this shit simple. I got the point at the top to pop the pimple. Sinful, I get erotic like a nympho. Keeping it loose, hanging rappers on the noose. I don't spit, I puke. You rappers ain't shit, but your flow's still equivalent to poop. My colonial colonized name is Russell Means. I want to talk a little bit about radicalism and being called radical. You know, maybe it is true I am a radical. Because all I've ever asked, all I've ever demanded, all I've ever fought for, all I've ever been shot for, all I've ever been stabbed and beaten for, or thrown in jail or prison for, is to ask and demand any way, shape, or form that the United States of America live up to its own laws. Identity, searching in bottles of whiskey. I've seen my elders pass out under oak trees. Hairspray and methamphetamine feed their arteries. Empty memories shield the future possibilities, as suicidal tendencies tend to plague the youth at a teenage. And teen pregnancy, we say, leaves babies with no fathers these days. And our ways are forgotten, forgotten. Trading moccasins for N7s with Jordan socks that are cotton. Shit. Free your mind from extinction. La jungle des luttes. On se retrouve avec Céline du CSIA. Donc, on était avec les Sioux Lakota dans l'état du Dakota, donc aux États-Unis, hein, parce qu'on ne l'a pas précisé tout à coup, mais c'est vrai, c'est les États-Unis quand même. On avait dit qu'on, le comité de solidarité avec les Indiens des Amériques, mais il y en a plein des Amériques. Ouais. Donc, du coup, on parlait évidemment donc, de la criminalisation, de la répression. Des arrestations, des résistances. Et donc, peut-être tu peux nous dire un peu comment on peut continuer à se mobiliser ou avoir des informations complémentaires et puis de manière à pouvoir aussi créer des liens, des luttes et puis tout ce qu'on peut encore apprendre. Tu peux nous raconter tout, encore plein de choses. Je vais vous parler effectivement de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors, juste pour replacer justement ce qui se passe actuellement à Standing Rock. Alors, en fait, pour revenir un tout petit peu en arrière, l'autorisation de construction de l'oléoduc avait été suspendue en décembre dernier par l'administration Obama. Ça n'avait pas vraiment mis fin à la lutte. C'est-à-dire que sur place, certains avaient vraiment anticipé ce qui allait se passer, puisque donc on a vu qu'avec l'arrivée de Trump, en fait, la construction a bien été relancée, puisqu'il y a quelques semaines, il a donc passé un décret présidentiel, je crois, réautorisant la construction et du Dakota Access Pipeline, et aussi de l'oléoduc Keystone. Là, pourtant, ce n'était pas juste une suspension des travaux qui avait été énoncée par l'État fédéral, c'était vraiment un arrêt définitif du pipeline qui avait été donné, je crois que c'était en novembre ou décembre 2015, là, pour le coup. Donc, c'était une victoire, qui n'est plus une victoire. Ça montre bien aussi finalement que d'Apple, donc ce pipeline, c'est pas une lutte isolée, quoi. C'est vraiment qu'aujourd'hui aux États-Unis, il y a plein de luttes partout sur le territoire, pas que menées par les autochtones d'ailleurs, mais souvent menées par les autochtones, puisque les territoires autochtones sont souvent ceux qui sont concernés en premier lieu par ces constructions. Ouais, les territoires pas encore exploités. C'est ça. Donc actuellement, là, les protecteurs de l'eau, comme ils s'appellent, donc font face en fait à une mesure d'expropriation qui a été il y a quelques jours là apportée par le Bureau des Affaires Indiennes, soutenue cette fois-ci par le Conseil Tribal d'ailleurs de Standing Rock, le Conseil Tribal de Standing Rock a décidé désormais d'être sur un aspect juridique, donc de vraiment s'atteler au juridique et de laisser de côté la mobilisation, l'occupation territoriale. c'est vraiment quelque chose qui avait aidé à la lutte finalement avant cela, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'alliance. Le président du Conseil tribal lui-même avait été arrêté en fait. Et là, il y a une espèce de scission qui s'est créée, même si une des personnes qui parle, qu'on entend beaucoup aujourd'hui, qui s'appelle Chase Iron Eyes, qui est juriste, qui il y a quelque temps d'ailleurs s'était présenté pas au Sénat, mais donc à la Chambre des représentants. Pour le Dakota du Nord, il avait donc été choisi par le Parti démocrate pour représenter le Dakota du Nord. Il avait perdu, mais donc c'est pas lui-même a été arrêté, mène la lutte et aujourd'hui déplore un petit peu cette espèce de scission. Dit que finalement la lutte devoir se mener sur plusieurs fronts, le juridique, mais aussi l'occupation territoriale en fait. Donc c'est un petit peu, c'est très tendu aujourd'hui. Donc il y a vraiment besoin de la solidarité internationale. Donc qu'est-ce qu'on peut faire nous de France ? Donc déjà, bien sûr, se tenir informé. Aussi, une deuxième possibilité, c'est de soutenir à la fois Red Phone et puis donc tous ceux qui ont été arrêtés aussi et qui vont avoir un jugement bientôt. Donc ça peut être envoyer des dons, par exemple, pour leur caution ou pour qu'ils aient un avocat digne de ce nom, parce que ce n'est vraiment pas toujours le cas. Après, depuis la France, il y a aussi quelque chose sur lequel, en tant que citoyen français, on peut avoir un certain poids. C'est qu'en fait, il y a 4 banques françaises qui sont impliquées dans le financement d'Apple. Il y a donc la BNP Paribas, il y a la Société Générale, le Crédit Agricole et Natixis. Il y a donc ces 4 banques-là. Et il y a une forte demande, en fait, de la part des autochtones sur place de mettre la pression sur ces banques. Et donc, il y a une campagne internationale qui a été lancée qui s'appelle Defund d'Apple. Donc, arrêtons de financer, en fait, l'oléoduc qui a été lancée au niveau international et que donc le CSIA relaie. Si vous voulez aller directement, en fait, sur le site, c'est... www.defundapple, donc c'est defundapple.org. Il y a toute une page qui s'appelle Contact the Banks. Donc vous avez en fait toutes les infos sur toutes les banques différentes, des modèles de lettres, etc. etc. Donc pour l'instant, bien sûr, c'est en anglais, mais on travaille à ce qui est ce que ça sera aussi en français. Donc bien sûr, on peut aussi aller sur le site du CSIA, donc www.csia-nitassinan.org, puisqu'on relaie la plupart des luttes en français, là, pour le coup. Il y a aussi un blog, CRISP, chrisp.l'autre.net, avec en fait, c'est donc un blog avec Christine qui traduit en fait de l'anglais vers le français. Donc là, c'est en français en plus. C'est vraiment une mise à jour. C'est un travail énorme de traduction de plein d'articles, de toutes les news qui tombent très, très, très régulièrement. Donc c'est un autre moyen aussi. Donc à la fois, je dirais, se tenir informé, le soutien aux protecteurs de l'eau et peut-être un dernier accès très important pour nous, puisque là, on peut vraiment avoir un poids, un pouvoir direct. C'est donc de menacer les banques de retirer notre argent s'ils continuent à financer le pipeline. Et donc là, tu as parlé de banques françaises. C'est parce que c'est les seules qui sont impliquées dans le projet ou il y a des banques... Il y a une trentaine de banques. Oui, c'est tout. Ça. Ouais. C'est un big projet international. En fait. Mais il y a déjà des banques qui ont retiré leur argent, notamment, je crois que c'est en Finlande, où là, pour le coup, la mobilisation des autochtones samis a été très payante puisque la banque qui en faisait partie donc a retiré son argent. Là, depuis donc récemment. Oui, très récemment. Ouais. Bon, donc on invite tout le monde. Donc sur le CSIA, si on va sur le site du CSIA, on peut trouver toutes les informations que tu viens de nous donner. C'est le lien avec les autres sites ou... Il y a en lien en fait toute l'action qui est menée en défense de Red Phone. Et là, on est en train de travailler une traduction justement de la lettre contre les banques. Et donc, vous, le CSIA, par contre, en général, on peut vous joindre plutôt par courrier sur votre site. Il n'y a pas de réunion comme nous, le CSPCL. Par contre, vous êtes une association, il y a des gens qui sont adhérents, il y a des petits bulletins. C'est ça. Vous pouvez d'ailleurs, si vous voulez rencontrer le CSIA, on se réunit le premier jeudi de chaque mois, donc au 21 Terre Rue Voltaire, au CICP. Donc, Donc voilà, il y a moyen de... Aussi, oui, parce que du coup, là, vous êtes aujourd'hui centré sur cette lutte, mais il y a tout un tas de... Il y a plein d'autres luttes. Oui. Ouais. Donc on vous réinvitera justement pour nous parler de toutes ces luttes et donc de l'importance aussi de pouvoir créer des ponts et des liens entre les luttes et en même temps... rigolo de voir que finalement il n'y a pas à faire, c'est toujours un petit peu les mêmes choses qui se répètent, hein, une organisation, une mobilisation, une criminalisation et puis toujours la dichotomie entre le juridique et la résistance politique qui a du mal à... Enfin, on a rencontré ça pour nombre de reprises, hein, sur des terrains de lutte. Donc là, du coup, en général, ça commence par le juridique et des fois, on se mobilise, mais finalement, on a du mal. On se dit qu'on va casser le mouvement et le sérieux de la lutte juridique ou de la rigidité aussi, en même temps, dans laquelle on est enfermé. Enfin, bon, du coup, on essaiera de... Bah, n'hésitez pas à nous passer des petites infos. On est là qu'une fois par mois, mais si vous voulez nous faire des petits coups de téléphone pour nous dire on en est là où il y a une mobilisation, un appel, ça nous intéresse toujours de pouvoir suivre... les luttes et les combats et les résistances. Et de temps en temps, il y a des victoires. Donc, ouais, c'est important de relier toutes les informations et surtout pour les personnes prisonnières qui sont isolées et qu'on isole et, à proposito, comme on dit. Voilà, on va continuer à parler de tous ces peuples réprimés et puis de ces prisonniers avec qui on va essayer de se solidariser, de se mobiliser. Merci beaucoup au CSIA et à toi, Céline. Et donc, voilà, les Sioux Lakota avec nous pour un moment et on essaie de les suivre. On se fait une petite pause musicale et on va retrouver les copains du Comité international pour la libération de Fekar et des détenus Mzab. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a medias tierras, el arado iba enterrado, se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el yugo se iba pateando, el barzón iba rozando, el sembrado me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hable cuando ande arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 cuartillos de frijol que te prestamos, una nega, 3 cuartillos de mes que te habilitamos, 5 pesos de unas fundas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos pues no sé de qué, pero todo está en la cuenta, más de los 20 reales que sacaste de la tienda con todo el maíz que te toca, no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mis tierras para seguirlas sembrando. Y ahora vete a trabajar pa' que sigas abonando. Pues me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo un cigarro de hoja. ¡Ay, qué patrón tan sinvergüenza! Todo el maíz se llevó para su maldita troje. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Échelo, oiga. Cuando llegué a mi casita, ay, se puso bueno, mijo, me decía mi prenda amada. ¿Dónde el maíz que te tocó? Le respondí yo muy triste, el patrón se lo llevó por lo que debía en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tienda. Y ahora voy a trabajar para seguirle a vos. Nando 20 pesos, 10 centavos, unos que salgo restando. Me decía mi prenda amada, ya no trabajes con ese hombre, hombre. Si no, mano, se está robando. Anda al salón de sesiones, que te lleve mi compadre. Ya no le hagas caso al padre. Él y sus excomuniones, que no ves a tu lejos me quedé pensando, ay, ¿por qué dejé a mi patrón? Me decía mi prenda amada, que vaya el patrón al cuerno, como estuviéramos de hambre si te has seguido creyendo de lo que te decía el cura de las penas del infierno. Viva la revolución, muere el supremo gobierno. Se me reventó el barzón y siempre seguí sembrando. FPP 106.3, la jungle des luttes. On continue avec Mohamed et Yilla. Je vais me faire engueuler. C'était pas non, comme ça qu'il fallait le dire. C'était bon. Très, très bien. Presque dit. Bien dit. Comité international pour la libération donc, de Fekir et des détenus Mzab. Alors, bah, je vais vous laisser directement la parole. Je vais juste en profiter pour annoncer, parce que peut-être que certains ne resteront pas avec nous jusqu'à la fin. Il y a le salon anticolonial le 4 et 5 mars prochain, donc à la Bellevilloise, 21 rue Boyer, Paris 20e. On aura un stand, nous, le CSPCL, mais aussi d'autres copains et amis et collectifs. Et donc, on vous invite à venir tous nous rencontrer. On sera en direct FPP, justement, de tout l'après-midi à partir de 13h. Donc, pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, vous pourrez écouter FPP et être en direct du salon anticolonial le 4 et 5 mars à la Bellevilloise, Paris 20e. Donc voilà, je redonne la parole aux copains qui vont nous parler des détenus Mzab. Bonjour, donc bonjour aux auditeurs de FPP. Je vous remercie donc pour l'invitation, pour faire connaître notre lutte, puisque c'est une radio de lutte. Et donc, nous représentons le Comité international pour la libération de Frères et les détenus mozabites. Et il faudrait donc qu'on explique c'est quoi les mozabites et c'est qui Frères. Voilà. Donc, les mozabites, c'est d'abord un, peuple, un peuple, c'est un peuple berbère, un mazir donc, c'est en Algérie. Ils ont une deuxième particularité donc, ils sont aussi une minorité religieuse, d'où les problèmes. Donc, pourquoi ils sont en difficulté chez eux? Alors, les événements du Mzab ont commencé en 1975, en fait. Ils ont commencé par à cause des transferts de population. Donc, comme je l'ai dit, les Mozabites, c'est des Berbères qu'ils ont fondés dans toute l'histoire, pendant toute l'histoire de l'Algérie, des villes, il y en a 7 exactement, en plein désert algérien. Alors du coup, la particularité d'être berbère et d'être ibadite fait d'eux une minorité. Ils sont à peu près 300 000 personnes. Pendant la colonisation française de l'Algérie, c'est un mot qui devient en ce moment très dur à en parler, ben, le pays Mzab a eu son autonomie. Ils vivaient en totale autonomie. Donc, la France a octroyé une autonomie au peuple mozabite. Pourquoi? Justement parce qu'ils ils sont une minorité religieuse par rapport à l'immensité du sunnite en Afrique du Nord, etc. Alors, du coup, après les événements, ce qu'a fait le gouvernement algérien, c'est de peupler ces villes mozabites par des non-mozabites. En quelle année, du coup? À quelle en époque? En fait, l'histoire des Mozabites, ça a commencé depuis 62, en fait, depuis l'indépendance de l'Algérie. Et justement, les Mozabites ont, je l'ai dit tout à l'heure, surtout la particularité d'être une minorité religieuse. Donc, ils sont considérés comme des hérétiques par tous les musulmans, où qu'ils soient. Donc, tous les musulmans considèrent que les Mozabites sont des hérétiques. Comme l'islam officiel en Algérie, c'est du sunnite, les voilà dans leur propre pays, dans leur propre territoire, en tant que minorité religieuse. Alors du coup, les Mozabites eux-mêmes ont vu que leur façon de vivre, leur façon de faire, a été cannibalisée par le gouvernement algérien en faisant des transferts de population, d'où les événements de 1975, de 1985, où il y avait des morts, Les Mozabites en Algérie donc, sont considérés comme des gens pacifiques. Là, d'abord, leur dogme, leur rite religieux est pacifique. Ils ne sont pas là pour faire de la violence. Donc, ils ont subi toute la violence, tout ce qu'on peut depuis 62. Mais à un moment donné, la nouvelle génération des Mozabites, ils ont dit, oh là, on arrête, c'est fini, on ne veut plus, on veut vivre en tant que Mozabites. Du coup, certains comme Fra, le docteur Fra, dont le comité porte le nom, a eu une idée. Il a dit, peut-être que ça serait intéressant que les Mozabites vivent une autonomie, qu'ils deviennent autonomes. Donc, le voilà considéré, dont un chef des inculpations de son emprisonnement, c'était ça, atteinte à l'unité nationale en Algérie. Du coup, il est en prison, il est en grève de la faim. Aujourd'hui, le 49e jour de grève, avec ses compagnons, ils sont presque 160, tous des Mozabites. Pour résumer, les Mozabites sont en prison parce qu'ils sont Mozabites. Ils luttent pour que leur peuple existe, pour que ce peuple qui en voie de disparition. Parce que la démographie, question démographique, ils sont vraiment largués. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement algérien ramène des populations étrangères à la zone, ils se retrouvent dans leur propre ville minoritaire. Si on prend un exemple tout simple, je reviens au religieux, qui n'est pas important, en fait, pour les auditeurs, peut-être. Néanmoins, quand vous voyez une mosquée ibadite et une mosquée sunnite, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien. C'est deux mosquées différentes, en fait. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas des hurlements de, par exemple, les Mozabites, ils ne sont pas avec des haut-parleurs à réveiller tout le monde, etc. Contrairement aux sunnites. Et voilà, c'est ça le problème, en fait, qui se passe. Du coup, Frère et ses compagnons ont pensé que pour que ce peuple... Vaillant d'ailleurs, parce qu'en fait, les Mozabites, si je résume un peu, on les appelle les Juifs d'Algérie. Pourquoi les Juifs ? Parce que c'est un peuple minoritaire, pacifique, qui ne cherche qu'à travailler, en fait. Et c'est la réalité. Tout le monde, les Mozabites, ils sont partout en Algérie, mais c'est des gens pacifiques. Tout le monde sait, ils ne sont pas là à prendre des pierres ou déclarer une guerre contre n'importe qui ou n'importe quoi. Du coup, les voilà en prison parce qu'ils ont décidé d'exister. C'est ça le problème Mozabite. En fait, actuellement, à cette heure où je vous parle, le problème Mozabite est un problème d'extinction. Si on n'y fait pas gaffe, comme l'émission précédente, des Indiens d'Amérique, en fait. Alors, les Mozabites, c'est les Indiens d'Algérie. Et du coup, quand tu dis ils veulent vivre en tant que Mozabites, ça veut dire quoi ? C'est uniquement religieux, ou du coup, il y a aussi leur langue. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a la langue. Les Mozabites, c'est l'un. Par exemple, moi-même, je suis berbère, je ne suis pas Mozabite, mais un des peuples berbères qui a gardé la langue, c'est bien les Mozabites, parce qu'ils vivent ensemble. La langue, les Mozabites, tous les Mozabites que je connais personnellement parlent Mozabite. C'est une langue entière qui fait partie de la grande langue berbère. Mais eux, ils ont gardé la langue parce qu'ils ont vécu ensemble dans leur propre territoire. Il n'y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas un trop gros transfert de population, alors que maintenant, si. Maintenant, on apprend à l'école d'un Mozabite, on apprend, c'est la constitution algérienne qui le dit, qu'ils sont des Arabes, alors qu'ils ne le sont pas. Et qu'ils ont le rythme malakite, alors qu'ils ne le sont pas. Mais ça, c'est pas pour... Ça, c'est valable pas que pour les Mozabites. Ouais, c'est valable pour tous les Berbères là où ils sont. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais. Et donc, mais sauf que les Mozabites, c'est une minorité. C'est une minorité. Ils sont pas plus. Ils sont même minoritaires chez les Berbères, tu veux dire. Exactement. Donc, mais il y a un Mozabite avec nous qui peut éventuellement. Qui va prendre la parole, bien sûr. Voilà. Voilà. Et du coup, notre comité se bat contre une injustice flagrante. Elle est flagrante. Elle est flagrante et elle donne envie à ce qu'il y ait des gens qui peuvent penser au cocktail Molotov, en fait. Parce que c'est des gens pacifiques, les voilà juste pour exister, les voilà en prison. Juste parce qu'ils sont Mozabites. Il y a pas... Quand on voit, si vous... Il y a que des personnes âgées. C'est des gens, ils ont 70 ans, ils sont en prison. Tu veux dire, mais dans les villages qu'ils ont construits, tous les jeunes sont partis de ces villages ? Non, ils ont arrêté que les... Pas du tout, mais en fait, ils n'ont pas arrêté. Ils ont arrêté des jeunes, des vieux, mais actuellement, il y a même une personne qui a, je pense, 82 ans, âgé de 82 ans, en prison. Je ne vois pas une personne âgée de 86 ans faire une révolution, vouloir carrément porter atteinte à un pays ou son propre à pays. À l'unité nationale. Vous imaginez un peu. À 80 ans, on pense plutôt à soigner ses os, etc., pas à faire une révolution. Tu veux... Mohamed, si tu veux, on te... Ouais, peut-être que tu peux t'approcher du micro, mais peut-être qu'on peut lui augmenter le volume aussi. Donc, pour ne pas reprendre ce qu'a dit mon ami Hilda, je voudrais juste apporter quelques ajouts. Les Mozabites, c'est une minorité. Les Mozabites, c'est une minorité qui avoisinait 300 000 individus. Continue, ouais. Attends, on dirait que ça va pas là, le son. Bon, ben moi j'entends bien hein, dans mon écouteur, tout va bien. Alors je disais que les Mozabites, c'est une minorité qui avoisinait 300 000. C'est des Berbères. Je vais peut-être parce qu'en fait on n'entend pas, peut-être que je vais reprendre en attendant que. Écoutez, bon. Alors, je disais que c'est des Berbères donc qui parlent la langue berbère. Ça va. Qui parlent la langue berbère. Bon, avec sa variante, la langue mozabite, c'est des Zibadites, un rite minoritaire parmi les rites musulmans. Les Mozabites ont toujours été autonomes dans l'histoire. C'est-à-dire l'Algérie telle qu'elle est aujourd'hui avec ses frontières... reconnue après 1962, elle n'a jamais existé telle qu'elle est. Dans l'histoire, il y avait les Mozabites dans le sud, il y avait les Kabyles dans le nord, les Chewis dans le nord-est et un peu vers le sud. Donc les Mozabites, ils étaient toujours, ils considéraient toujours le territoire du Mzab, ce qu'on appelle le Mzab, la région du Mzab, comme leur pays. Et ils étaient, bon, c'est les peuples autochtones, donc ils avaient toujours une autonomie. Pendant des siècles, à l'époque des Turcs et puis pendant la colonisation française, ce n'est qu'en 1962 que l'État algérien a mis fin à cette autonomie et d'une façon sans consulter les Mozabites, c'est-à-dire d'une façon la plus violente possible et sur tous les niveaux, donc culturel, linguistique, religieux, social, enfin tous les niveaux. Donc les Mozabites, à partir de 62, donc ils ont commencé à subir une politique d'extermination culturelle, sociale, de la part du pouvoir algérien, qui cette politique d'extermination, donc que les Mozabites ont vécu au quotidien. Donc ça a commencé, disons, par le pouvoir algérien ramène des populations qui ne sont pas Mozabites pour essayer de peupler la région du Mzab, pour les rendre minoritaires dans leur région. Les Mozabites, ils sont 300 000 en Algérie. Disons, en 62, ils ne représentaient même pas 100 000, mais ils étaient... une majorité écrasante actuellement. Il y a pratiquement 40% d'arabophones qui sont ramenés par le pouvoir algérien des pays, des villes avoisinantes du Mzab, comme Darwat. Mais ça se situe où, le Mzab, en fait? Le Mzab, il se situe... Bon, c'est une région qui a comme capitale Taghardayt, Gardaïa, qui se situe à 600 km au sud d'Alger. Disons, c'est le nord du désert du Sahara algérien. Voilà. Donc, cette politique, donc, elle a commencé par ramener des populations qui ne sont pas mozabites, des arabophones, pour les installer. Ils sont arabophones et ils sont mélikites, de les installer tout autour des villes, des sept villes du Mzab. Et en spoliant les terres Mozambique, la spoliation des terres continue à ce jour. D'ailleurs, j'ai un exemple actuellement, un certain Alouani qui se trouve en prison, tout simplement parce qu'il avait les titres de propriété des terres de sa tribu. Et il a voulu, donc, il a ramené un expert donc pour délimiter la terre, et ainsi de suite. Il est en prison, accusé de falsification de documents, de propriété. Et ces documents, ils sont enregistrés donc dans l'administration algérienne de façon officielle, à droite. Et même le registre où les documents sont enregistrés a disparu. Oui. Il a disparu. Donc l'administration, le pouvoir algérien a fait disparaître les registres où ces documents sont enregistrés. Il ne reconnaît plus ces titres de propriété qu'il reconnaît par ailleurs à d'autres Algériens, à d'autres tribus algériennes qui se trouvent ailleurs dans le Mzab. Et donc le pouvoir algérien, il ramène des populations non mozabites qu'il installe dans des terres mozabites. Et c'est à partir de là qu'il crée des conflits entre les mozabites et les non mozabites, que c'est le pouvoir algérien qui les crée, ces conflits, pour mettre les mozabites devant le fait accompli. Et ça se développe à des violences où il y a des morts. D'ailleurs, depuis 1975, les premières violences qui ont eu lieu à Tizjane, puis en 85 à Tagharadeit, en 89 à Al-Grara, 90 à Bergane, à Berian, et jusqu'à 2008-2009, depuis toutes ces violences, à chaque fois qu'il y avait des violences, les morts étaient toujours des mozabites. Les morts... Les dégâts matériels, c'était du côté des mozabites, donc on saccage, on incendie, on pille les magasins des mozabites, les terres agricoles. Bon, le Mzab, c'est au milieu du désert où il y a une palmeraie qui entoure donc le Mzab. Ce n'est pas naturel, il n'y a pas de terre fertile de façon naturelle. Donc c'est cette palmeraie-là qui est pillé par les gens qui sont ramenés par le pouvoir. Ces gens-là qui s'attaquent aux mozabites, ils sont encadrés par des policiers qu'on voit d'ailleurs dernièrement. Comme des paramilitaires, entre guillemets, c'est-à-dire organisés, formés. Par des policiers en tenue, carrément. Oui, non, mais comme ce qu'on peut connaître dans d'autres pays où c'est les paramilitaires, où c'est, on forme d'autres paysans pour venir casser d'autres paysans en leur donnant des armes et en les formant et en leur donnant surtout toute l'impunité. Enfin, en les assurant de l'impunité. Là, ce sont des gens encagoulés, encadrés par des policiers, des gendarmes en tenue, qui agressent les mozabites. Et depuis 1985 à ce jour, il y a eu 37 morts mzab, dont 4 qui sont morts en prison. Il y a eu, après, entre 2013 et 2015... où il y a eu les violences dans toutes les villes du Mzab, parce qu'auparavant, les violences, c'était dans une ville, en 75 dans une ville, en 85 dans une autre ville, en 89 dans une troisième ville, et ainsi de suite. Mais entre 2013 et 2015, c'est toutes les villes du Mzab, les 7 villes du Mzab, qui ont été secouées, touchées par ces violences. Et c'est là qu'on m'a dit, mon ami tout à l'heure, mon ami Illa, finalement, le pouvoir algérien donc, a poussé les jeunes mozabites à réagir violemment. C'est là qu'il y a eu quelques Arabes qui ont été tués donc entre 2013 et 2015. Sinon, tous les morts mozabites avant 2013, c'était tous les morts de ces événements, c'était des Mzab. On va faire peut-être une petite pause musicale, hein, et on se retrouve comme ça pour reprendre, pour qu'on ait le temps de digérer toute l'histoire. On arrive à faire une petite pause musicale. Musique. Je crois que c'est les copains justement du comité qui nous ont ramené cette musique. La musique mozabite. تغيى وين عدد سغيدون أمي اللي غضي خفوص بابوان 3 FPP, la jungle des luttes. On entame notre dernière demi-heure ensemble. Donc, jungle des luttes, on vous rappelle que c'est le comité de solidarité avec le peuple du Chiapas en lutte qui invite des collectifs ou des personnes en lutte ici ou là-bas ou encore ailleurs. Et donc là, on était sur le territoire Mzab en Algérie et la lutte et la résistance des Mozabites. Et donc, on était avec le Comité international pour la libération. Je l'ai très écorché tout à l'heure, le mot. Kfar. De Frar. Frar. Oui. Et des détenus Mzab. Il y avait Mohamed qui était en train de parler tout à l'heure avant qu'on ait la coupure musicale. Donc, on te laisse et continuer à nous raconter un peu ce que c'est cette histoire. Et tu nous as parlé beaucoup de l'autonomie des Mozabites, justement, un destin qui a changé depuis l'indépendance, avec justement une rupture de cette autonomie et la volonté de justement rompre avec cette organisation. Peut-être tu peux nous parler justement de ce que ça veut dire autonome. Ça voulait dire zéro contact avec les institutions, les administrations, leurs propres écoles, leur propre registre civil, ou comment par rapport à... Il y a tellement de formes d'autonomie, en fait. C'est intéressant de savoir ce que ça veut dire. Bon, si je parle de l'autonomie du Mzab, je peux déjà commencer par dire qu'actuellement, le Mzab, sur certains plans, est autonome. Presque à 100% sur le plan social, le pouvoir algérien, l'État algérien, n'intervient pratiquement pas sur le plan social. Sur le plan religieux aussi, le pouvoir algérien n'intervient pas. Sur le plan culturel, disons, il y a ce qui est officiel. Les Mozabites ne s'impliquent pas, ne s'investissent pas trop sur ce qui est officiel. Donc, sur le plan culturel, on est autonome. Donc, le pouvoir algérien n'intervient pas. Sur le plan économique, disons, les Mozabites, on peut dire que la majorité, c'est des commerçants. D'ailleurs, un commerçant, il est, à part les relations qu'il a avec l'administration, pour avoir un registre de commerce, il faut payer ses impôts, mais il est autonome. Donc, les Mozabites, actuellement, ils sont autonomes, sauf sur le plan politique, cette autonomie qui leur a été enlevée en 1962. Bon, par rapport à la question du territoire et qui leur a été attribué, oui, sur lequel ils pouvaient s'autogouverner, tu veux dire? Oui, oui, par rapport aux sept villes du Mzab qui étaient gérées par les Mozabites. Ouais. Voilà, les sept villes. Donc, le territoire du Mzab, c'est, y a sept villes. Donc, tout ce qui entoure ces sept villes, c'est le territoire du Mzab. Donc, les Mozabites, jusqu'à 62, ils étaient autonomes, disons même politiquement. Pas, je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails parce que, même avec la France, il y avait un accord signé en 1853, je pense, qui a été rompu unilatéralement par la France en 1887 ou 88, 89. Il y avait des violences. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans ces détails, mais les Mozabites ont toujours contesté cette rupture de contrat. Ils ont toujours rappeler à la France qu'il y a, un accord entre nous d'autonomie et nous sommes autonomes et nous voulons le rester. Au quotidien, ils géraient le Mzab sur tous les plans d'une façon autonome. Jusqu'en 1962, où l'État algérien a décidé qu'en Algérie, il n'y a que des Algériens qu'il définit comme des Arabes et des musulmans. Il faut être du FLN, voilà, politiquement. Donc, il rejette tout ce qui ne cadre pas avec son idéologie officielle. Mais les Mozabites, si vous parlez à un Mozabite, vous commencez par moi et vous avez les 300 000 Mozabites, ils sont tous autonomes dans leur tête. Ils croient tous à l'autonomie. Ils se sentent autonomes par rapport à l'Algérie. Ils ont su développer une certaine relation avec l'Algérie. Ils te disent, bon, nous sommes Algériens, question, carte nationale, les impôts, on paye les impôts, on fait son service national, le drapeau, on le respecte et tout ça. Mais dès que quelqu'un qui n'est pas Mozabite, qui soit officiel ou pas, commence à parler de ce qui concerne les Mzab, soit culturellement, soit socialement, soit les Mozabites, ils sont un peu gênés, ils voient comme une ingérence dans leur système. C'est le sentiment là, c'est-à-dire tous les Mozabites, dans leur tête, ils sont autonomes. Maintenant, le mot autonomie, le pouvoir algérien lui a donné un sens négatif qui veut dire séparatisme, qui veut dire contre l'unité nationale, qui veut dire haine, qui veut dire racisme, qui veut dire ce qu'il veut. Donc, si vous posez la question aux Mozabites, ils vont vous dire, bon, nous ne sommes pas pour l'autonomie, on est pour une Algérie. Mais si vous discutez avec eux, donc vous n'êtes pas pour l'autonomie, donc il faut que l'État algérien, c'est lui qui gère les biens des tribus, c'est lui qui gère les mosquées, c'est lui qui gère les écoles privées, Mozabites et tout ça, ils refusent. Pour eux, non, il n'est pas question. Non, ça, c'est à nous de gérer et tout ça. Donc, c'est parce que le mot autonomie, c'est-à-dire, il a une connotation négative politique où, suite à la répression de l'État algérien qui réprime tous ceux qui réclament l'autonomie, donc les Mozabites, ils veulent pas, c'est-à-dire la majorité, ils veulent pas, politiquement parlant, revendiquer cette autonomie qui est revendiquée d'ailleurs tout bas. Hein. Dans les discussions entre Mozabites, on parle, on n'utilise pas le mot autonomie. Mais on parle un discours, on développe un discours d'autonomie. Je laisse justement, la parole là. Justement, pour revenir à ce terme autonomie, le docteur Frar et oui, parce que c'était toi qui avais le voilà et ses quelques et ses compagnons, Frar lui-même, le docteur Frar, un jour, il s'est dit pourquoi pas avec toutes ces spécificités qu'a le peuple mozabite, pourquoi pas être un pays autonome. D'où un des chefs d'inculpation pour Frar et ses compagnons, c'est justement ça, c'est de dire qu'ils sont contre l'Algérie, etc. Néanmoins, Frar n'a jamais, ni ses compagnons, n'ont jamais déclaré publiquement qu'ils veulent l'autonomie. Il a donné une interview dans un journal algérien arabophone en disant que peut-être la solution du Mzab était l'autonomie. Mais en fait, j'ai envie d'intervenir par rapport aux apatistes qui, justement, eux, parlent d'autonomie en parlant de des peuples indigènes et de tous les autres. La question, c'est de l'autonomie par rapport à un pouvoir central. Et ils ont, par exemple, eux, en général, toujours brandi ce qui a pu choquer souvent plusieurs personnes qui ont du mal à voir le drapeau, avoir le drapeau uniquement comme quelque chose lié à une conviction nationaliste. Mais du coup, les apatistes ont toujours brandi leur drapeau de l'EZLN, de l'armée apatiste de libération nationale, accolé au drapeau mexicain. C'est-à-dire signifiant qu'il est possible d'avoir une autonomie à l'intérieur d'un pays, sachant que le problème, ce n'est pas le pays, la frontière en tant que telle, mais la question de la liberté des peuples et du droit à se gouverner, à s'auto-gouverner. Justement, je pense que les Mozabites, le peuple Mozabite s'apparente dans la lutte et dans dans sa façon de voir aux apatistes. Oui, c'est pour ça que je disais du coup, parce que la question, c'est comment tu présentes la question. Ils avaient des armes, peut-être. Oui, ils se sont soulevés en armes, tout à fait, pour créer un nouveau contexte. Voilà. Sauf que, mais pas pour prendre le pouvoir. Oui, sauf ni que, pour déclarer la séparation d'avec le Mexique. Exactement, les Mozabites sont... D'ailleurs, les Mozabites qui ont été tués pendant les récents événements du Mzab ont été enterrés sous le drapeau algérien. Tous les cercueils ont été recouverts de drapeaux algériens. Donc les Mozabites, en fait, c'est juste ils réclament, ils demandent, ils se battent, ils luttent juste pour exister, en fait. Ce n'est pas pour se séparer de qui que ce soit. Ils sont, vous vous rendez compte, il vous a dit qu'ils sont à 600 km d'Alger au sud. Ils sont en plein désert, les Mozabites. Il n'y a aucun échappatoire pour eux, même s'ils veulent être indépendants. Néanmoins, c'est la lutte de ce peuple, elle revient à la lutte pour son existence. C'est exactement la même chose pour les apatistes. En fait, si à un moment donné, les apatistes n'ont pas pris les armes, c'est quelque part, ils seraient dessous dans un peuple ou dans un État ou je ne sais pas quoi. Ben, c'est exactement la même chose. Les Mozabites, ils ont fait la même chose, mais sans les armes. Et justement, c'est les armes du pouvoir algérien qu'ils ont utilisées contre ce peuple pacifique. Et je reviens encore sur ce mot pacifique. Ils n'ont jamais eu des armes, les Mozabites. Jamais. Ils ont, d'ailleurs, leur rite leur interdit d'avoir des armes. Et du coup, on se retrouve face à un pays qui est l'Algérie, qui se dit démocratique, qui est pour la sauvegarde de ceci, de cela, et qui était, soi-disant, la Mecque des révolutionnaires. Le voilà, ce même pays, en 2017, aujourd'hui, est en train de faire disparaître un peuple entier qui est partie composante de ce même pays. Je voudrais ajouter, concernant l'autonomie du Mzab, je peux donner comme exemple, actuellement, enfin, ça a toujours été le cas d'ailleurs, il y a des institutions dans le Mzab qui ont toujours fonctionné. Il y a des institutions religieuses, une institution religieuse, une institution politique et sociale, et ça a toujours fonctionné, sauf qu'il y a un haut conseil du Mzab religieux et en parallèle un haut conseil politique, on peut dire politico-social. Alors, c'est au conseil, au niveau du Mzab, on peut faire une projection, il y a des conseils au niveau de chaque ville, un conseil religieux et un conseil politique. À partir de 1962, ces conseils politiques ont été, en quelque sorte, au début, infiltrés par le pouvoir algérien, puis interdits de faire de la politique. Mais les autres institutions continuaient à fonctionner. Donc ce sont ces institutions-là, si on essaye de comprendre le Mzab, ce sont ces institutions-là qui peuvent nous éclairer sur l'autonomie du Mzab. On ne peut pas avoir des institutions qui ne sont pas rattachées au pouvoir algérien. Ces institutions existent et fonctionnent toujours. Elles existent depuis des siècles. Elles existent avant même l'existence de l'Algérie actuelle, de l'Algérie. Et elle continue d'exister. Donc, si on n'était pas autonome, on n'aurait pas ces institutions, mais elles sont parasitées par le pouvoir algérien, elles sont infiltrées, notamment l'institution politique. C'est le conseil, on appelle ça conseil courté. qui a été carrément suspendu par le pouvoir algérien en 62, interdit de faire de la politique jusqu'en 89, avec l'avènement du multipartisme. Donc il a été, en quelque sorte, de nouveau, il a été réactivé, mais sous contrôle de l'État. En parallèle, il y a le conseil Ami Saïd, c'est un conseil religieux. Là, pour ne pas trop développer, il y a une laïcité qui ne dit pas son nom. Comme le mot autonomie, c'est choquant pour le Mozambique, le mot laïcité, il est choquant pour le Mozambique parce qu'il a été chargé de significations négatives, comme quoi la laïcité, c'est contre la religion et tout ça. Mais tous les Mozambites, si vous discutez avec eux, ils arrivent à la conclusion qu'il ne faut pas mélanger la politique et la religion. Et dès que tu leur dises la laïcité, ils te disent non, hein, non la laïcité, ça, c'est l'Occident, c'est pas nous, c'est comme l'autonomie. Donc voilà, je ne vais pas développer plus que ça. En 2013, donc, les événements de 2013, quand il y a eu beaucoup de dégâts, pratiquement le Mzab était dans le chaos, c'est là que Frère a dit peut-être que la solution, c'est l'autonomie, c'est-à-dire officialiser ce qui est réel, ce qui existe. Ça veut dire que le pouvoir algérien doit reconnaître ses institutions et ce sont ces institutions qui vont avoir des prérogatives de gérer le Mzab. Ce sont elles qui peuvent apporter la solution donc au Mzab. Et c'était une réponse de Frère, une réponse suite à la crise. Le pouvoir algérien, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut faire, il veut inverser les rôles. Comme quoi, il y a eu crise parce que Frère a appelé à l'autonomie. Or que c'était... Une possibilité de sortir. C'était le contraire. C'est parce qu'il y avait crise que Frère a développé ce concept. D'ailleurs, il l'a dit juste comme ça. Il n'avait pas... Comment dire, il a dit, comme on est en train de discuter là, il a donné un avis, l'autonomie, peut-être la solution du Mzab. Mais c'était très dangereux. Oui, oui. Du coup, je retrouve avec un chef d'inculpation qui est en tête des inculpations en Algérie, c'est-à-dire contre l'unité nationale. Oui, tellement dangereux pour le pouvoir algérien. Frère qui est détenu, lui, et plus de 160 Mzab. Suite à une décision politique prise par le président. Et donc, ils sont détenus où, par exemple? Très loin dans, du... Ils sont dans, actuellement, grosso modo, ils sont dans trois prisons. Mais la loin de... La prison de Ménéa, qui se trouve à 270 kilomètres de Tarardet. Éloignée. Ouais. La prison de Gardaïa elle-même, Tarardet. Bon. Il y a un groupe. Et la prison de Brouaghia, qui se trouve, je pense, à 400 kilomètres au nord de Tarardet. Et il y a d'autres, dernièrement, c'est des grévistes de la faim. Pour les punir, il y a des dizaines qui ont fait la grève de la faim par solidarité avec Frère. Et pour les punir, pardon. Oui, on les a délocalisés, on les a déplacés, pour les éloignés. Punir, donc on les a délocalisés. Du coup, ce sont leurs familles qui sont punies. Hein. Bien sûr. C'est-à-dire la visite hebdomadaire là. Imaginez possible, une famille déjà le si c'est le père, c'est le cas de la majorité, c'est le père de famille qui est en prison, donc ils sont déjà sans ressources. En plus, on leur impose des déplacements hebdomadaires de 700 ou 800 kilomètres. En plein désert. Oui. On l'oublie. En plein désert pour certaines prisons, à Saïda, je ne sais pas où. C'est-à-dire, pour vous dire, bon, pour revenir aux détenus Mzab, pour punir la société mozabite, pour punir ces détenus mozabites, le pouvoir algérien, en tête le président Abdelaziz Bouteflika, c'est lui, en personne, qui a pris la décision. Qui a ordonné donc l'arrestation de Frère. Et cette arrestation, les avocats de Frère, moi je ne veux pas rentrer dans les détails, ils ont fait une conférence de presse, ça fait deux jours de ça, où ils démontraient avec documents à l'appui, avec preuves à l'appui, que c'est une arrestation politique. Hein. Deux, c'est une arrestation complètement illégale, sur la base de documents qui ne respectaient pas la loi. C'est des documents illégaux qui ont été émis par le procureur de la République. Et puis, suite à ces documents, des gens ont été arrêtés. Peut-être que ça va vous étonner si je vous dis que parmi ceux qui sont arrêtés, il y a des témoins. C'est-à-dire qu'ils sont en détention préventive parce que c'est des témoins. Ils n'ont pas des accusés. C'est-à-dire, officiellement, on dit que ce sont des accusés. Mais la procédure, c'est ce qu'ont expliqué les avocats de Frère et d'une quarantaine de détenus politiques. Les procédures qui ont été, les procédures judiciaires qui ont été Ils intervenaient comme témoins et finalement ils se sont retrouvés arrêtés. Ils ont été arrêtés, accusés, en gros, c'est les mêmes accusations, copier-coller de Frère et tout le groupe. Mais pendant l'instruction, devant le juge d'instruction, on ne leur pose pas des questions sur ce qu'ils ont fait, mais sur ce que Frère a fait. Oui, bah, ils ne parlent pas d'eux, ils parlent de Frère. Le juge d'instruction pose la question à ses détenus. Est-ce que vous connaissez Frère? Qu'est-ce qu'il a dit Frère? Est-ce qu'il a parlé d'autonomie? Voilà. Ben, on va devoir peut-être se quitter tranquillement, mais avant, vous allez peut-être pouvoir nous dire déjà s'il y a des personnes qui sont intéressées pour vous rejoindre ou connaître un peu plus quels sont vos... Ben, ou si vous vous réunissez, si vous avez un blog, quelles actions vous avez faites, ce que vous attendez de nous aussi, ou enfin, des auditeurs, pas seulement de nous, mais de tous les auditeurs, pour essayer de faire connaître et peut-être apporter l'appui qu'on peut. Oui, alors moi, je vais juste donner le mail du Comité international pour la libération de Frère. Nous avons besoin justement des adhérents pour que, dans toutes les luttes, plus on est nombreux, plus c'est important et plus c'est efficace. Donc, je vais donner le mail pour nous rejoindre. C'est detenu-6@gmail.com. Je rectifie. C'est détenu au pluriel, D-E-T-E-N-U-S, detenu.mzab@gmail.com. Ah. Detenu.mzab@gmail.com. Faudrait que je change mes lunettes. Voilà. Et du coup, vous avez, j'imagine déjà, vous avez des lieux où vous avez pu faire peut-être des interventions, vous avez des dates à nous communiquer, ou en tous les cas... Bon, nous avons fait un certain... Moi-même, je suis réfugié politique en France depuis septembre 2015. Donc, nous avons fait... avant de créer ce comité, nous avons créé une association que nous avons appelée Association Izmoun pour les droits des Atmzab. Atmzab, c'est le peuple Mzab. Nous avons fait un certain nombre d'actions. Donc, nous avons été, si vous voulez, rapidement, je vous énumère ce que nous avons non, fait. Bah juste, vite fait, c'était juste plutôt pour nous dire ce qu'on allait pouvoir faire avec vous plus tard. Nous programmons toujours des manifestations. D'accord. Pour soutenir les Mozabites. Et du coup, donc, par exemple, le 25 février, on a une association qui a pignon sur rue sur Paris qui s'appelle Temzra, c'est dans le 14e. Il y aura justement une invitation pour parler de ce problème des Mozabites. Donc le 25, c'est samedi prochain, donc samedi. Samedi prochain, on est le 20. C'est à 18h, je pense. C'est samedi. C'est un événement que Temazra organise le 25 février. Ce sera dans le 14e. C'est à partir de 18h. C'est la rue, elle s'appelle rue du Moulin, la rue des Moulins, dans le 14e. Le métro le plus proche, c'est Pernité. C'est une journée, c'est un après-midi, c'est une conférence qui sera consacrée uniquement au problème de Mzab. On va parler de l'historique de l'Mzab. Et on aura un spécialiste qui va nous parler sur la géopolitique dans la région de Tarveit. Et voilà, en vous invitant à être nombreux et à être là, et surtout à s'informer dans le Comité international pour la libération de Frère et les détenus Mzab seront présents. Il y aura peut-être Mohamed Dabouz qui vient d'intervenir à la FPP qui va parler de ça, plus Hicham Hamida. Et plus, on a un invité surprise sur place, c'est un docteur en géopolitique qui va venir, qui va nous expliquer un peu plus l'historique du Mzab depuis 1962, voire même avant, puisqu'il est le malheur de cette région, comme c'est le malheur de toutes les régions berbérophones en Algérie, et quel que soit au Maroc, et ainsi de suite. Ça commence, ça remonte à 62, c'est notre génération, sauf que les problèmes dataient d'avant, et cette personne qui est spécialiste de ces problèmes parlera des problèmes de Mzab et de l'historique. Alors on vous invite à être présent pour s'informer et surtout c'est l'occasion de rencontrer les militants du Comité international pour la libération de Fakhar et ses détenus et de prendre des contacts avec eux. Et voilà. Et merci. Ben, merci à vous. On va peut-être faire une petite pause musicale avant de retrouver des copains ensuite qui étaient à un rassemblement. Et évidemment, il faut qu'on se quitte assez vite après. Donc, un dernier petit mot, les copains, avant qu'on se quitte. Alors, moi, je vous remercie. Je remercie la radio FFPP pour nous avoir donné la parole. C'est la parole c'est une parole pour les gens qui luttent. On lutte et nous espérons qu'il y aurait des gens qui ont compris que nous luttons pour des vies humaines. Également, je vous remercie pour l'invitation et je voudrais juste demander à nos auditeurs de parler de ce problème parce qu'il y a un blackout sur ce qui se passe. Je parle à l'échelle internationale, un blackout sur ce qui se passe dans le Mzab et en particulier la situation des détenus. Donc on demande à tous les auditeurs, chacun dans son entourage, de faire connaître ce problème. Ils peuvent aller dans les deux pages Facebook du Comité international pour la libération de Fakhar et des détenus Mzab ou de la page Facebook d'Izmoulin où il y a nos communiqués, il y a un rapport détaillé sur la situation du Mzab. Merci. Bah, merci beaucoup et puis on continue... on continue à se tenir au courant dans la jungle des luttes ou sinon à travers d'autres événements qu'on organise, nous, le comité de solidarité, puisque justement, on essaye quand même toujours de créer des ponts entre les luttes. Donc, on est très content de vous avoir eu ce soir. Merci encore. On vous rappelle que vous pouvez donc retrouver les copains dans une journée organisée grâce à Tamasra, l'association qu'on a déjà eu l'occasion d'inviter, d'ailleurs, le mois dernier. Donc, le 25 février, rue du Moulin, Paris 14e. Donc on va peut-être pas avoir le temps de faire de pause musicale. On fera une grosse pause musicale juste avant de partir pour laisser la place au suivant. On va prendre des copines qui étaient à un rassemblement aujourd'hui même. Je crois que ça se finissait à 20h le rassemblement. Peut-être que c'est pas fini parce que parfois ça s'éternise. Ça s'attarde plutôt. On a quelqu'un en ligne, c'est bon ? Allô ? Allô, allô. Allô, ouais. Allô, oui. Vous m'entendez ? Ouais, on entend bien. Merci. Bonsoir. Merci d'avoir appelé. Alors, du coup, on n'a rien eu le temps d'annoncer, donc je te laisse annoncer absolument tout, c'est-à-dire où tu es, ce qui se passe, etc. Ben, je suis en ce moment à Place de la République. On vient de finir une action qu'on a organisée pour la journée de la justice sociale avec d'autres collectifs, le collectif Paris Ayotzinapa, Libera, Amnesty International, et il y avait aussi le collectif des familles de disparus en Algérie et la Fédération euro-méditerranéenne contre les disparitions forcées. En fait, on a fait cet événement pour rappeler toutes les disparitions forcées qui ont lieu dans le monde, en particulier en Algérie et au Mexique. On a eu un artiste qui a parlé sur la disparition forcée au Mexique. Il y a son exposition Trace de la mémoire qui aura lieu la première semaine d'avril ici à Paris. Et lui, il a aussi pris la parole pour faire voir un peu la lutte des proches des disparus qui cherchent leurs proches. Et du coup, on a eu plusieurs interventions. On a parlé des disparitions en Algérie et comment il y a plus de 8000 familles qui ont un proche de disparu en Algérie et comment le gouvernement algérien criminalise ses victimes et ils peuvent risquer jusqu'à 5 ans d'emprisonnement parce que le gouvernement algérien dit que faire porter plainte pour disparition, ça ne fait pas bonne image au pays. Et ils ont aussi récemment permis d'avoir une indemnisation aux proches des disparus à condition d'emmener des témoins qui disent que les disparus sont en réalité morts, même si les témoignages sont faux. Alors on peut voir comment ça se rejoint un peu avec la situation au Mexique dans laquelle 43 étudiants de l'école normale d'Ayotzinapa ont disparu la nuit du 26 septembre 2014 aux mains de la police et comment leurs parents, les proches de ces étudiants sont criminalisés aussi par le gouvernement mexicain. Un autre point qui réunit ces deux pays, c'est la collaboration militaire de la France. Tout le monde connaît bien le rôle de la France dans la guerre d'Algérie, mais au Mexique aussi, la France, elle vend des armes, notamment des hélicoptères, et forme la gendarmerie mexicaine qui, un récent rapport a démontré qu'elle sert absolument à rien et elle a fait un trou financier de plus de 27 000 millions de pesos. Donc, c'est ça de ce dont on a parlé ce soir à République. Il y avait du monde. On a fait aussi, on a fait l'appel. Attends, parce qu'il y a la... Il y a des petites sirènes. Ouais. C'est la police qui passe à République. Mais en fait, on a fait aussi l'appel des 43 étudiants. On a lu leur nom et une petite histoire sur chacun. Et évidemment, à la fin, on a demandé de les avoir vivants parce que la police et l'armée, ils les ont pris vivants. Et on sait de plus en plus comment l'armée mexicaine est involucrée et complice des disparitions qui se passent au Mexique et comment le gouvernement mexicain fait tout pour cacher l'implication de l'État dans ces disparitions. D'ailleurs, les responsables de ces crimes sont bien souvent jamais punis et bien au contraire, parfois ils reçoivent des promotions. Et je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a fait cette soirée. On vous invite chaleureusement pour la première semaine d'avril voir l'exposition de Alfredo López, Traces de la mémoire, qui aura lieu au DOC. C'est dans le 19e arrondissement, vers Place des Fêtes. Bon, bah, merci beaucoup de votre intervention. C'était super, super clair en plus. Merci beaucoup. On va devoir laisser la place aux copains de mon micro. On vous remercie à vous tous de nous avoir écoutés. On vous rappelle que c'est tous les troisièmes lundis du mois, La Jungle des Luttes, émission proposée par le Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. On est retransmis pour ceux qui ne nous ont pas suivis demain matin, jeudi matin sur la quatrième semaine, donc jeudi en 8, de 8h à 9h30. Et vous pouvez réécouter notre blog Jungle des Luttes où il y a toutes nos émissions, pas toujours mises rapidement, mais en général à un moment ou à un autre. On vous remercie. Et donc là, générique et on vous quitte. Je vous remercie. Bonne soirée. Au mois prochain. Salut. Bye.